Bonjour les amis, welcome to French Pod America. Et je suis Amaury, bonjour à tous. We got an intermediate lesson. Une leçon intermédiaire aujourd'hui. We're going to experience somebody's first day on the job. Quelle expérience formidable que le premier jour au travail. It can be a little... Stressant. Right. And here we have a secretary. Qui va rencontrer... Who? Son patron. And he's going to tell her what he expects from her. En quelques mots, oui. How do you say that, by the way, in French? J'attends de vous. I expect from you. J'attends de vous. All right, let's hear that dialogue. C'est parti. C'est votre premier jour et je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, Mademoiselle Lefebvre. Je vous écoute, monsieur. Le magazine Belle est au centre du monde de la mode. Quand on décide que quelque chose est à la mode, c'est à la mode. Quand on décide que quelque chose n'est pas... Excusez-moi, je suis censée prendre des notes? Ok, première règle, ne jamais m'interrompre. Deuxième règle, ne jamais poser de questions stupides. Pardon. Je continue. Je suis l'éditeur en chef de ce magazine. Voilà ce que j'attends de vous. Faire ce que je vous demande et deviner ce que j'ai oublié de vous demander. Mais monsieur, comment je pourrais deviner... Troisième règle, ne jamais oublier les deux premières règles. Donc on se retrouve dans le monde de la mode. That's right, we got a fashion magazine here. Ouais, elle a du courage cette petite si elle reste, hein. Yeah, I don't know, she might be regretting having taken this position. It's clearly a very stressful environment with a stressful boss. Et ça, on le voit dès le début, hein. Yeah, because he immediately says, listen. Il lui dit directement qu'il n'a pas beaucoup de temps à lui consacrer. So we use the word consacrer. Consacrer du temps à quelqu'un ou à quelque chose. Okay. Donc voilà, si vous voulez apprendre le français, vous devez consacrer du temps à écouter FrenchPod. That's right. So, what kind of a company is this, by the way? C'est un magazine. And not just any kind of magazine. Un magazine de mode. Et ce magazine, Belle? Ce magazine est au centre du monde de la mode. And he explains how influential ce magazine really is. Parce que quand le magazine Belle décide que quelque chose est à la mode... C'est à la mode. Il a une grande influence, attention. Right. First of all, let's look at that. He says, on décide que... Like in English there, we'd say, when we say quelque chose est à la mode. But in French, you would say... On décide que, pour le rendre encore un peu plus fort... Okay, so it would be more strong to say on décide que in French there than on dit que. Oui. Okay, and then we learn a really important expression, à la mode. Alors vraiment, une expression très fréquente. This expression, it may be one of the most high frequency expressions in Paris anyway. Tout à fait, ça correspond tout à fait à la France. You hear all the time, oh, c'est pas à la mode. Il faut être à la mode, Erika. Well, if in Paris, I guess. Ouais. So, à la mode means it's in fashion, for example. Donc voilà, pour la couleur des vêtements, cette couleur est à la mode. Yeah, like for the season. Voilà, tes chaussures sont à la mode, Erika. Oh, thanks. So, he says, quand on décide que quelque chose n'est pas, and then he doesn't finish, because she interrupts him. What is so important here? Elle veut savoir si elle est censée prendre des notes. He probably thinks that's going to make her look like a really efficient employee. She doesn't know her boss yet, I think. So, the word censé, supposed to, être censé, je suis censé prendre. Exactement. Je suis censé promener le chien cet après-midi. Censé suivi de l'infinitif. Donc, par exemple... Nous sommes censés arriver à 9h tous les matins. That's right, to work. Oui. Or, je suis censé finir ce travail before the end of the day. Oui. So, elle est censée prendre des notes. First, the answer is okay, which is English. Oui. But in French, if you say it here, it's kind of strong, like listen, okay. Tout à fait, oui. Doesn't mean, okay, prendre des notes. Non, c'est pas le sens que ça a ici. It's not a good sign. Pas vraiment, non. When he says, okay, and he gives her some règles. Quelle est la première? Ne jamais l'interrompre. Et la deuxième? Ne jamais poser de questions stupides. Sympathique? Yeah, really nice, boss. So, ne jamais do something. Voilà. So, interrompre. Interrompre. Joli mot français, interrompre. So, ne jamais do something, interrompre somebody. Oui. And then, don't forget that you posez une question. Voilà, on dit exactement, poser une question. So, ne jamais poser de questions stupides. Then he tells her, a key phrase we heard earlier. J'attends de vous. I expect from you. So, voilà ce qu'il attend d'elle. Deux choses. Mm-hmm. Faire ce qu'il lui demande et deviner... ce qu'il a oublié de lui demander. Now, there's a lot of ce que in there. Ouais. Let's just practice it. So, for example, devine ce que j'ai fait this weekend. Alors, tu as dormi beaucoup de temps? Right. Wow, how did you deviner ce que j'ai fait? Ah, je te connais un petit peu, Erika, maintenant. Parce que c'est ce que tu fais tous les week-ends. Right. Devine ce que j'ai bu ce matin. I think ce que tu as bu ce matin is coffee. Devine ce que j'ai bu during lunch. Comment je pourrais deviner? Because it's ce que je bois tous les jours. Ah, d'accord, ok, maintenant je me souviens du coca. C'est vrai. So, ce qu'il attend d'elle, oui, is faire ce qu'il lui demande. And, you know, also to be a psychic. And so she's like, comment je pourrais deviner? And obviously, elle a oublié les règles. Les deux premières règles. So then he gives her a troisième règle. Exactement, qui amène la troisième. Ne jamais oublier les deux premières règles. So it sounds like an easy enough job. Okay, why don't we listen to the dialogue one more time now? Pas de problème. C'est votre premier jour et je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, Mademoiselle Lefebvre. Je vous écoute, monsieur. Le magazine Belle est au centre du monde de la mode. Quand on décide que quelque chose est à la mode, c'est à la mode. Quand on décide que quelque chose n'est pas... Excusez-moi, je suis censée prendre des notes? Ok, première règle, ne jamais m'interrompre. Deuxième règle, ne jamais poser de questions stupides. Pardon. Je continue. Je suis l'éditeur en chef de ce magazine. Voilà ce que j'attends de vous. Faire ce que je vous demande et deviner ce que j'ai oublié de vous demander. Mais monsieur, comment je pourrais deviner? Troisième règle, ne jamais oublier les deux premières règles. So we had a relationship between a secretary and her boss. Et un sacré patron, hein. Right, this guy is obviously hard because he's l'éditeur en chef. The magazine. Voilà, c'est pas n'importe qui dans le magazine, dans la société, l'éditeur en chef. And he's probably pretty stressed out. But one thing is they both use vous with each other the whole time. Oui, parce que nous sommes dans une relation de travail. Okay. Et en plus ici, lui, il emploie le vous pour mettre une distance. Okay. Entre l'employé et le patron. All right. Ce qui arrive toujours. So, is it just on the first day, like, will eventually they start... On peut imaginer qu'après un certain temps, okay, si le patron s'entend bien avec son employé, mm-hmm, il pourra la tutoyer. So he would call her too. Oui, mais elle, au contraire, right, ne pourra jamais le tutoyer. So there will never be a time that she can say too with the boss. Non, parce que c'est le patron. So he might. That's interesting, because like in America, I think a relationship between a boss and a secretary, they would be really informal and start... Ah non, c'est pas le cas en France. Especially if... Il attend d'elle as much as this guy. But not in France, huh? There's a real distance there. Exactement. On garde vraiment ce fossé un peu entre le patron et l'employé. And it's especially shown with the word vous. Exactement. Okay. Well, if you have any questions about this lesson, come to frenchpod.com. You can ask us and you can find some exercises and extra materials to help you memorize some of the vocab and phrases we had in today's lesson. En espérant vous y retrouver, à bientôt. Au revoir.